Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre attention pour l'émission La Parole est à vous. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo et puis voilà, pour compagnie de Nancy. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors Nancy, qui, bon, on va quand même citer ses titres, hein. Elle est docteur en droit, avocate au barreau d'Épinal. Hein, elle intervient aujourd'hui sur la laïcité. À parler de la laïcité, parce que la laïcité est souvent mise à toutes les sauces, et puis les partisans de tel ou tel parti politique, de tel ou tel groupement, ont tendance à, à déformer un petit peu l'esprit de la loi, des lois sur la laïcité, parce qu'il y a plusieurs lois quand même. Il y a pas mal de lois, effectivement, qui parlent de la laïcité, enfin qui évoquent la laïcité, mais on n'a pas de définition juridique propre du principe de laïcité. On a une référence dans la Constitution, bien sûr, puisque notre Constitution, à l'article 1er, indique que notre République est laïque. Et puis on a un certain nombre de lois, notamment celle dont on entend souvent parler, qui est la loi du 9 décembre 1905, de séparation des Églises et de l'État. À l'époque, c'est ce titre qui était séparation de l'Église et de l'État, mais il y avait des Églises et de l'État, qui détachent en fait l'État du religieux. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui permettent d'exprimer que l'État est a-religieux, pas forcément anti-religieux, mais a-religieux, avec le corollaire du principe de la liberté de conscience, qui est le libre exercice aussi des cultes. Liberté de pensée, souvent on fait un amalgame, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté d'expression, enfin tout ça, souvent sous le terme laïcité, on s'aperçoit que ça renvoie à des principes fondamentaux qui sont justement ceux-là. Donc c'est vrai qu'il faut faire le tri, c'est pas toujours facile, et souvent c'est... Surtout dans l'espace public. Dans l'espace public, évidemment, le principe de laïcité est renforcé, mais on verra tout à l'heure à travers la jurisprudence que dans l'espace privé, notamment avec la fameuse affaire de la crèche Babylou, on a aussi l'intervention de ce principe qui doit être respecté, alors sous certaines conditions, sous certaines modalités, mais qui est omniprésent quand même. Voilà. Que dire encore pour introduire un petit peu cette émission sur la laïcité, hein, que, justement, tu vas peut-être citer un peu l'évolution jurisprudentielle par rapport à la laïcité. Alors, en fait, on a plusieurs thèmes qui sont abordés par la jurisprudence. Donc, on a l'histoire du port du voile islamique. Donc, je parlais de l'arrêt Babylou, enfin des arrêts Babylou, puisque ça a été une saga judiciaire assez importante. Je vais le détailler. Mais on a aussi des arrêts, souvent de la juridiction administrative, forcément, puisque ça touche à l'ordre public. Arrêt de la Cour de cassation, tu prends. Alors, on a Cour de cassation, on a Conseil d'État. Parfois, ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, voire jusqu'à l'ONU. Donc, on le verra. C'est vrai qu'on a des arrêts, surtout en matière de port de la barbe, par exemple, dans le service public, qui sont des arrêts donc, du Conseil d'État. On a la statue de Jean-Paul II, qui avait fait parler également. Également, on a un arrêt du Conseil d'État du 25 octobre 2017, donc j'y reviendrai aussi. On a des arrêts sur tout ce qui est procession religieuse, avec la notion de trouble à l'ordre public, puisque c'est la seule limite en fait, qui a été reconnue, notamment par la Cour administrative, oui, encore une fois, d'appel de Nantes dans un arrêt du 8 juin 2018. On a également de la jurisprudence sur tout ce qui concerne les prières pendant les temps de pause, notamment dans le service public, toujours, puisqu'on sait que c'est renforcé dans le service public. Et puis on a des arrêts sur le burkini, ça a été aussi largement médiatisé, notamment à l'été 2016 et puis un petit peu après. Et puis on a, c'est d'actualité encore plus aujourd'hui, puisqu'on a tout ce qui concerne les crèches de Noël, et notamment les crèches de Noël dans les édifices publics. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite compilation de jurisprudence pour expliquer un petit peu les contours de la laïcité, puisqu'encore une fois, à part quelques textes qui sont importants, bien sûr, mais qui... simplement permettre de définir la laïcité à travers le croisement justement de toutes ces dispositions. Encore une fois, on n'a pas de définition juridique propre. Mais on a un certain nombre de dispositions qui font que aujourd'hui la laïcité dans notre République a un arsenal juridique, je dirais, suffisamment protecteur pour qu'on puisse la faire respecter. On a eu plusieurs lois. En 2004, on a eu la loi de prohibition du voile à l'école. On a la loi du 20 avril 2016, là, qui concerne les fonctionnaires, la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires, puisque forcément, dans le service public, la laïcité et son corollaire, la neutralité, sont quand même primordiaux. Alors, une question par rapport aux fonctionnaires. S'agissant de contractuels, par exemple, plus ou moins de droit privé ou de droit public, est-ce que ça s'applique à eux également ? Alors, dès lors qu'on concourt au service public, il faut effectivement respecter le principe de laïcité. Alors, on le verra par rapport... Si tu veux, on peut aborder la crèche. C'est attaché au service public avant d'être attaché au fonctionnariat. Voilà, il faut déjà savoir si on concourt ou non à un service public. Alors, si on est agent public, il n'y a pas de souci, évidemment, on est soumis. Si on est contractuel, mais qu'on concourt au service public, là aussi, on est soumis. Après, dans l'arrêt Babylou, l'arrêt de la Cour de cassation... C'était une crèche. Donc, c'est un arrêt du 25 juin. Ben, c'est toujours une crèche. C'est toujours. Elle existe toujours, oui. Elle n'est pas fermée pour autant. En fait, il s'agissait, si on reprend les circonstances de l'espèce, d'une directrice donc de crèche privée qui, pendant 6 ans, avait arrêté de travailler, était partie en congé maternité, puis en congé parental. Puis, elle était revenue, mais elle était revenue voilée. Donc, deux choses. Déjà, elle concourait ou pas à un service public, ça a été, il a fallu savoir si c'était effectivement le cas ou pas. En tout cas, c'était un organisme privé et elle était directrice en plus. Donc, en fait, elle a été licenciée en 2008 pour faute grave. Parce qu'on lui avait conseil d'administration, voilà, parce qu'elle avait été, on lui avait intimé de retirer son voile. Du fait qu'elle était en contact avec les enfants. Alors, c'était une crèche qui avait été fondée en 91. Elle accueillait des enfants de familles monoparentales, souvent défavorisées, d'où le lien, est-ce que c'était effectivement une mission de service public ? C'est dans la région parisienne. C'est ça, voilà. Donc, la salariée a été licenciée en 2008. Elle a saisi le conseil de prud'homme, dans un premier temps, puisque forcément, c'était un contrat de travail privé. Hein, et puis, elle a été déboutée. Elle a formé un pourvoi en cassation. En mars 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en estimant que, s'agissant d'une crèche privée, le licenciement constituait une discrimination en raison des convictions religieuses. Ça, c'est la première étape, la première marche, on va dire, de la décision de la justice. Du fait de cette cassation, ça a été renvoyé... Si j'ai bien compris... je connais un peu l'histoire, mais si pour la compréhension de nos auditeurs, ça veut dire que le conseil de prud'homme donc, avait admis le licenciement et la cour d'appel avait admis le licenciement également. Alors en fait, elle est allée jusqu'en cassation. Donc au départ, oui. la salariée saisit le conseil de prud'homme dans un premier temps en 2008. Ensuite, la cour d'appel pour contester le bien fondé, parce que le conseil de prud'homme, non, lui avait pas donné... raison. Elle a saisi la cour d'appel. Ensuite, c'est allé jusqu'à la chambre sociale de la cour de cassation. Mais il y a plusieurs arrêts de la cour de cassation. Il y a un arrêt donc, de 2013 qui dit que le licenciement constituait une discrimination. Donc là, elle gagne, effectivement. Il n'y a pas faute grave. C'est renvoyé devant une cour d'appel, puisque c'est une juridiction de renvoi. Et la cour d'appel de renvoi, c'était la cour d'appel de Paris, a refusé de suivre la cour de cassation. Donc, rebondissement. Ce qui est rare. Un arrêt du 27 novembre 2013, par un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé le licenciement, jugeant que la crèche pouvait être qualifiée d'entreprise, d'entreprise de conviction en mesure d'exiger la neutralité de ses employés. La salariée a à nouveau saisi la Cour de cassation, et là, statuant sur la décision d'une Cour d'appel de renvoi, la Cour de cassation a dû trancher, mais cette fois-ci, elle s'est réunie en assemblée plénière. Et c'est par un arrêt du 25 juin 2014, donc de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, que là, la Cour de cassation a suivi l'argumentaire, en fait, parce que le procureur, si je prends l'historique pour qu'on comprenne bien, parce que sinon c'est un petit peu rocambolesque, le procureur général de la Cour de cassation avait, lors de l'audience de plaidoirie, considéré que la crèche Babylou ne pouvait pas être qualifiée d'entreprise de conviction, puisque c'était ce que disait la Cour d'appel de Paris, hein, la Cour de renvoi. Pour autant, il avait préconisé un rejet du pourvoi de la salariée au motif que la restriction de la manifestation des convictions religieuses prévue par le règlement intérieur, Ça, c'est important, puisque c'est là-dessus que tout a été fondé après, prévu par le règlement intérieur de Babylou, pouvait se justifier car celui-ci vise à atteindre l'objectif, je cite, l'objectif légitime de la protection du droit à la liberté de conscience des enfants. On voit que par un cheminement un petit peu, comment dire, alambiqué, on se raccroche au règlement intérieur qui protégeait le droit à la liberté de conscience des enfants. Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, donc dans cet arrêt du 25 juin 2014, a suivi cet argumentaire et a rejeté le pourvoi de la salariée. Donc en fait, si je résume, on s'est raccroché au terme du Code du travail qui prévoit que le règlement intérieur, sous réserve qu'il soit, rédigé de façon assez précise, que l'on sache exactement quelles sont les finalités du règlement intérieur, la Cour de cassation s'est raccrochée au règlement intérieur de la crèche pour valider le licenciement donc de cette dame. Donc ensuite, il s'est posé la question, quid, est-ce qu'on va devant la Cour européenne des droits de l'homme? En fait, ses avocats à cette dame pensaient que oui au départ, et puis finalement, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas très favorable en la matière. Donc en réalité, ils sont allés devant l'ONU pour pouvoir avoir un avis. Donc c'est le comité des droits de l'homme de l'ONU qui a été saisi. C'est pas un comité juridictionnel, hein. C'est pas une instance juridictionnelle. C'est un simple comité qui en réalité donne un avis qui n'est pas contraignant. Alors évidemment c'est un avis moral qui peut avoir une autorité morale, mais qui n'est pas contraignant. Et là en réalité le comité a considéré que la restriction imposée à la salariée, c'est-à-dire son licenciement pour faute grave, n'était pas proportionnée. Donc il y a eu une appréciation in concreto, comme on dit juridiquement, en disant qu'il y avait eu discrimination. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de pouvoir de contrainte. C'est juste un avis. Donc on voit que juste sur... Enfin, c'est une affaire qui a pris de l'ampleur, mais sur le port du voile dans une crèche, on voit finalement... Dans une crèche privée, on voit finalement que... Il y a eu plusieurs juridictions de saisie, toutes n'ont pas la même appréciation, toutes n'ont pas la même validation ou pas, ce qui veut dire que la laïcité, aujourd'hui, ses contours sont quand même relativement flous, puisqu'ils sont, ils peuvent faire l'objet d'une interprétation qui varie finalement suivant les juridictions, suivant les instances. Donc voilà, tout ça pour dire que la crèche Babylou, on en a entendu parler, mais c'est quelque chose qui a été quand même assez... assez nuancé. C'est-à-dire que si ce principe de neutralité religieuse ne figurait pas au règlement intérieur, pratiquement, ça aurait été validé, sans doute. Mais là, c'est le droit des enfants. Le licenciement aurait été rejeté. C'est-à-dire que là, il a été... Le souci, c'est qu'il faut savoir que le règlement intérieur, dans une entreprise privée, c'est ce qui fait foi, quelque part, par rapport, justement, à tout ce que les salariés peuvent ou ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur les entreprises, parce que souvent, le règlement intérieur n'est pas toujours toiletté, n'est pas toujours amendé en fonction des différentes lois qui passent, hein, l'égalité homme-femme, ou des notions d'hygiène et de sécurité. Et le règlement intérieur, c'est un document vivant, en fait. C'est pas quelque chose qu'on rédige une fois... qu'on affiche pour la bonne cause et qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre, qu'on doit faire évoluer et qui doit à chaque fois être, en prise avec la réalité sociale, sociétale et du droit du travail aussi. L'évolution de l'entreprise, bien sûr. L'évolution de l'entreprise, oui. Donc voilà, donc c'est vrai que cet arrêt-là donc, de la Cour de cassation a été quand même... a fait l'objet quand même d'une bataille médiatique aussi, hein, puisqu'on l'a suivi. C'est pas toujours facile de se repérer par rapport aux différents arrêts. À ton avis, la Cour européenne, qu'aurait-elle dit par rapport à ça? Je pense que justement, les avocats sont pas allés à la Cour européenne parce qu'ils auraient validé le licenciement. C'est pour ça qu'ils sont allés du côté de l'ONU, qui avait une approche, alors certes pas juridictionnelle, mais ils sont allés plutôt une approche morale et sur le terrain de la discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme, je pense, aurait validé ce que la Cour de cassation... Mais il y a une question qui est toujours intéressante par rapport au voile. Quel voile? Parce que finalement, on nous dit souvent que, par exemple, dans les populations berbères du Maroc, le port du foulard n'a rien d'islamique, par exemple. Oui. Hein, c'est une tradition... rien de plus, hein, comme le port du turban chez certaines peuplades de l'Inde, etc. On pourrait multiplier comme ça les comparaisons. À partir de quel moment ? C'est à partir du moment où le visage est véritablement voilé. Je ne sais pas si c'est à partir du moment où c'est véritablement voilé. Je crois que c'est à partir du moment où on franchit la frontière entre le culturel et le cultuel. Je pense que ça nous ramène justement à cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Cour administrative d'appel de Versailles, de décembre 2017, sur le port de la barbe. La Cour administrative de Versailles s'est posé la question... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une barbe qui a une connotation religieuse, une revendication religieuse, ou est-ce que c'est simplement une barbe parce que tout homme a le droit de porter une barbe ? Et ça, c'est intéressant aussi de lire cet arrêt. Il est donc du 19 décembre 2017, puisque ça va faire du bruit peut-être dans le micro, mes papiers, mais je suis obligée quand même de les prendre. Parce qu'on nous dit donc, la Cour administrative nous dit, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, donc les agents, parce que là on est de nouveau, c'est un agent du service public hospitalier. Hein. Donc encore une fois, le principe est encore plus appliqué, on va dire, la contrainte est encore plus grande. Donc le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Ça, c'est le principe que rappelle la Cour d'appel. Mais après, considérant que le port d'une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d'appartenance religieuse, en dehors d'éléments justifiant qu'il représente effectivement, dans les circonstances propres à l'espèce, à la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse. Donc on nous dit que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public. Là, pour le coup, les deux fonctionnent ensemble. Obligation de réserve aussi. Alors, il y a la réserve, il y a la neutralité, oui, et puis la laïcité. Alors même que le port de la barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observation des usagers du service. On voit bien que le port de la barbe seul, la Cour se pose la question, est-ce que c'est une revendication religieuse, d'appartenance religieuse ou culturelle, on va dire, je revendique ma religion. Un élément ostensible. Ostensible d'une appartenance religieuse. Et en réalité, elle dit que oui, parce que là, on est encore une fois dans le service public, même s'il n'y a pas d'acte de prosélytisme, ou si il n'y a pas eu de remarque des usagers du service public. Donc, il résulte de tout ça, je résume, du refus de l'intéressé de respecter le principe de neutralité de ce service qu'il accueille en stage, qui fait qu'il a été sanctionné, en dehors même de tout prosélytisme, le fait qu'il ait porté cette barbe. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, et là, je vais me répéter dans les différents arrêts, à chaque fois, les juridictions disent « dans les circonstances de l'espèce », au cas par cas, in concreto, comme on dit. C'est-à-dire qu'on raisonne véritablement en fonction du contexte, en fonction des raisons de fait, puis de droit, qui prévalent dans l'affaire, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est vrai que c'est un peu technique, mais j'espère que j'ai été claire. C'est clair. Hein, c'est vraiment un prosélytisme. Autrement, il n'y a aucune raison de ne pas tolérer... De ne pas tolérer un foulard sur la tête ou bien une barbe. Bah là, si, là, il a été condamné, hein, même s'il n'avait pas de prosélytisme. Hein, là. Ça a été considéré comme étant effectivement. Comment dire ? Un signe ostensible. Voilà, même s'il n'avait pas fait de prosélytisme, parce qu'il y avait véritablement, compte tenu des circonstances de l'espèce, une revendication. Mais là où commence. Ah, ben c'est compliqué. Où commence, où s'arrête la discrimination. Mais c'est ça, c'est dire, ça. Hein, parce c'est que certainement ça. Qu'il était d'une origine étrangère, qu'il était lui-même musulman, même s'il ne le faisait pas savoir, s'il ne le faisait pas avoir, et puis il était condamné quand même. De manière un peu discriminatoire, on pourrait penser. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense que quand on est... Le contexte, bien sûr. Ben, quand on est aussi dans l'hôpital, je pense qu'il y a aussi... Alors, la Cour n'en parle pas du tout, hein, mais je pense qu'il y a aussi les problèmes d'hygiène. On n'en parle pas souvent non plus, mais je veux dire... Là aussi, on peut retrouver un règlement intérieur. Ben, bien sûr. Il peut y avoir aussi le port d'une barbe alors que vous êtes médecin hospitalier. Ça peut aussi peut-être poser problème. Alors, je sais bien, il y a le droit de tout un chacun de s'habiller, se coiffer comme il veut, mais... Il y a quand même ce qu'il faut pour, oui, pour éviter le contact. Mais je pense qu'effectivement, dans la sphère publique, c'est beaucoup plus réglementé que dans la sphère privée. Encore une fois, si on doit résumer, la sphère publique est beaucoup plus vigilante sur le principe de laïcité. La sphère privée, il y a un peu plus de liberté, sous réserve des règlements intérieurs et des dispositions applicables à chaque cas dans chaque entreprise. Chaque structure, en l'occurrence. On sait bien que dans la sphère publique, c'est évident qu'il faut éviter les tensions aussi. Bien sûr, et puis respecter, respecter les croyances de tout un chacun aussi. Parce que le fait d'afficher ses convictions fait aussi qu'on peut aussi blesser, heurter d'autres personnes, des usagers ou des collègues, en l'occurrence aussi. Ah, donc là encore, un arrêt. Alors, c'est à quel niveau, là ? C'est un arrêt de la Cour de cassation ? Cour administrative. Non, là, c'est la Cour administrative de Versailles. Ça en est resté là. C'est pas le Conseil d'État ? Ben, je crois que ça en est resté là. Attends que je te dise pas de bêtises. Ça n'a pas été sous le Conseil d'État, alors ? Ça n'a pas été jusqu'au Conseil. Non, Cour administrative de Versailles. Oui. Bon, tout ne va pas au Conseil d'État. Alors, Cour administrative de Versailles, qui est réputée pour être plutôt favorable à ce... à la laïcité, quoi. À une laïcité assez... Ça, je sais pas. Assez contrainte. Ça dépend de la composition, ça dépend des... Mais la motivation est intéressante à lire, parce qu'elle est toute en nuances. Et on voit que dans tous les arrêts concernant la laïcité, alors d'autres principes aussi, mais notamment la laïcité, l'argumentation, la motivation est détaillée et tout en nuances, et surtout, encore une fois, est applicable au fait de l'espèce. On ne fait pas de généralisation. C'est ça qu'il faut retenir aussi par rapport à ça. Donc on en a d'autres aussi, hein. On a les burkinis, on a les crèches de Noël, on a tout ça. Donc je ne sais pas comment... Comme tu veux. On va peut-être parler des crèches de Noël. Les crèches de Noël, c'est d'actualité. Voilà, c'est d'actualité. Donc là, j'ai un petit florilège. Donc chaque année, en fait, ça revient. Hein. Est-ce qu'on a le droit, enfin le débat revient, sur l'installation des crèches de Noël dans l'enceinte des édifices publics, c'est-à-dire des conseils départementaux, régionaux, des mairies. Donc, toute la portée de la laïcité, bien évidemment, est là, hein, puisqu'on rappelle dans les différents arrêts que le principe de neutralité, parce que là, on est quand même dans des édifices publics. Donc, il y a eu donc cette affaire de Béziers, la crèche de Noël, qui avait été jugée illégale. Donc, on a un arrêt du Conseil d'État du 9 novembre 2016. Et le Conseil d'État avait indiqué, donc avait précisé, déjà par le passé, mais il l'a reprécisé, qu'en raison de la pluralité de signification des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux, mais sont aussi des éléments de décoration profane, installées pour les fêtes de fin d'année, leur installation dans un emplacement public est légale si elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif. Mais non si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. On retrouve la distinction culturelle et culturelle, donc, dans un premier temps. Et puis ensuite, on a eu d'autres arrêts. Mais à ce moment-là, la question peut se poser, par exemple, je ne sais pas, de l'Aïl, d'autres fêtes religieuses, par exemple musulmanes, hein, ou bouddhistes, pourquoi pas, parce que finalement, c'est aussi... C'est aussi culturel. Mais je pense qu'il faut appliquer le même raisonnement. Ça, c'est le premier raisonnement qui a eu lieu en 2016. Mais si je continue, on a eu des décisions, donc, notamment du tribunal administratif de Lyon, donc c'est un cran en dessous, on est d'accord, mais le 23 novembre 2018, qui a donné satisfaction au président de la région, là c'était Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'affaire des crèches de Noël installées encore une fois dans l'espace public en 2017. Et les juges lyonnais ont considéré que les crèches en question sont conformes au principe de neutralité en raison, encore une fois, de leur caractère culturel, avec un R. Donc, en 2017, en fait, le président de région avait créé une vitrine du savoir-faire régional, des métiers d'art et des traditions populaires, et elle rendait, en fait, au santon. Je pense que tout le monde en a entendu parler, les crèches avec les santons. Et là, donc, le tribunal administratif de Lyon avait indiqué que c'était plutôt pédagogique, culturel, artistique, et que du coup, on ne pouvait pas l'interdire, puisque c'était culturel. Et puis, ensuite, ça a été plus loin. Et profane, parce que la plupart du temps, c'est vrai que la tradition de Noël est adoptée un peu par tout le monde. Oui, mais si on reprend les origines, c'est quand même religieux. Hein. Après, il y a la distinction sur le sapin et la crèche. Est-ce qu'il y a une crèche au pied du sapin ? Le sapin est profane, la crèche est religieuse. C'est toujours un peu compliqué. Mais ensuite, le Conseil d'État est allé plus loin. Absolument, puisque si on se réfère à certaines sources historiques, c'était la fête des sapins blancs. Hein, c'est-à-dire que le Christ n'est pas forcément né à Noël. Il y a eu certainement... Si du moins on est croyant dans l'avènement d'un prophète, hein, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire dite sainte, la tradition de Noël a supplanté une tradition profane qui était celle des sapins blancs. Oui, donc du coup, la frontière est floue aussi. D'où le sapin qui est vraiment d'origine profane. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi se discuter. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois, là encore, bah, c'est le Conseil d'État, puisque c'était les édifices publics, ce qui est normal, puisque le principe se pose en matière d'édifices publics. Mais le Conseil d'État, là, à chaque fois, le tribunal administratif vérifie cette frontière entre culturel et cultuel. Et je crois que c'est un peu la grille d'analyse qu'il faut appliquer à travers différents problématiques, parce que c'est vrai que souvent, cette frontière-là, c'est celle qui permet de définir si c'est autorisé ou si ça ne l'est pas. Et souvent, sur des litiges, sur la saisie d'une juridiction par des groupes, oui, ou des associations. Oui. Voilà, ben on va s'accorder une pause musicale. C'était où? Alors, une fois de Nancy, évidemment. On commence par... Oui, Claudio Capeo. Alors, Claudio Capeo, c'est plus haut. Vous savez, vous l'entendez beaucoup sur les ondes, Capitaine, mon capitaine, parce que je voulais rendre hommage à un film que j'adore, qui est Le Cercle des Poètes Disparus, qui est sorti en 90, je crois, avec le regretté Robin Williams, qui est décédé en 2014. Hélas, il nous a quittés en 2014. Et je trouve que ce film est plein de philosophie. Je ne sais pas si les jeunes générations l'ont vu, mais par rapport à l'émergence de l'esprit critique, l'esprit d'analyse, et puis aussi les émotions que la littérature ou la poésie peuvent susciter. Enfin bref, voilà. Donc un hommage au Cercle des Poètes Disparus et à Claudio Capeo. Enfin, pas un hommage. J'espère que tu connais ça, Christopher. Ah oui, sans personne, sans repère, sans boussole solitaire, je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air, lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour redonner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne. La discussion reste encore passionnée par rapport à la notion de critique, hein, y compris au niveau de la culture, bien entendu. Ah oui, alors tu veux aborder les processions religieuses. Voilà, pour faire la transition avec les crèches de Noël, dans je pense qu'on public, peut forcément, toujours dans l'espace public. On a des arrêts donc de 2018, un arrêt rendu le 8 juin 2018. Là, c'est par la cour administrative de Nantes. On voyage hein, à travers l'espèce de compilation de jurisprudence. La cour administrative de Nantes avait décidé d'autoriser une procédure religieuse dans une commune, dès lors que cette procession n'est pas de nature à créer une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public. Donc on a vu dans la première partie de l'émission qu'on avait la balance culturelle, cultuelle, avec un peu la différence public-privé. Là, dans le public, on s'aperçoit que la limite, c'est le trouble à l'ordre public. Donc là, il s'agissait d'une procession religieuse sur l'île d'Oua, donc en mars 2016. Un habitant avait demandé l'interdiction de cette procession en dehors de la nef et du parvis du bâtiment cultuel. Cette demande a été rejetée implicitement par le préfet et la décision a été confirmée ensuite par le tribunal administratif de Rennes. Donc le requérant a fait appel devant la cour administrative donc de Nantes et en invoquant l'article 27 de la loi dont je parlais tout à l'heure du 9 décembre 1905 de séparation de l'église, des églises et de l'État. Et de l'article 9 aussi de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui vise tout ce qui est liberté de pensée, liberté de conscience et de religion. Et la cour administrative donc de Nantes a rejeté les moyens qui étaient invoqués par le requérant et a confirmé l'autorisation d'organiser cette procession religieuse dans la commune en rappelant les pouvoirs de police du maire. Puisque le maire peut, lui, s'il y a une atteinte à l'ordre public, interdire la procession. Et a considéré, donc la Cour a considéré, que cette procession n'était illégale que lorsqu'elle existerait une menace sérieuse pour l'ordre public, contre laquelle les mesures nécessaires pour faire cesser cette menace ne sont pas prises. Donc, si je résume, il se trouve que cette Cour administrative considère que les processions, même religieuses, en dehors du bâtiment, donc de l'église, la nef et le parvis, sont possibles s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Et en 2014, il y avait déjà une décision en ce sens, puisque il y avait... En 1914, je fais un lapsus, le Conseil d'État avait rendu déjà, donc il y a quand même pas mal de temps, une décision en ce sens, affirmant que l'arrêté du maire interdisant les processions religieuses sur le territoire de la commune sans aucun motif tiré de la nécessité de maintenir la tranquillité publique était entaché d'excès de pouvoir. Donc on voit que là, pour le coup, ça n'a pas beaucoup bougé. Entre 1914 et 2018, donc 100 ans après, la référence, c'est le trouble à l'ordre public. Donc tout est possible, sauf si tranquillité public, ordre public sont menacés et que les pouvoirs du maire donc ne peuvent pas suffire pour endiguer éventuellement cette menace à l'ordre public. Mais là, on a l'impression que le maire a un pouvoir discrétionnaire par rapport à toute manifestation publique. C'est sûr qu'il a un pouvoir d'interdire. Sa commune, bien sûr, ses pouvoirs de police sont quand même assez larges puisque lui, il est le garant de l'ordre public et du respect, notamment de l'ordre public. Donc, par définition, il a ce pouvoir-là. Le trouble à l'ordre public peut très bien dévier pour des questions de sécurité. Oui, c'est surtout des questions de sécurité, c'est surtout des questions de... C'est-à-dire emprunter, par exemple, une voie publique qui serait ouverte à la circulation ou non, etc. Oui, ou comme on l'a vu, des émeutes. Ça peut être aussi des atteintes aux biens et aux personnes qui ne peuvent pas être endiguées et qui font qu'à un moment donné, la sécurité publique, l'ordre public n'est plus assuré. Donc oui, c'est vrai que c'est... Après, c'est comme toutes les valeurs... Ça peut être quand même assez arbitraire. Il y a toujours un curseur. Cette appréciation peut être arbitraire. Il y a toujours un curseur. C'est pour ça que le droit public est aussi très intéressant et qu'il est prétorien, c'est-à-dire qu'il est construit par la jurisprudence, parce qu'à chaque cas d'espèce, le curseur est évalué et positionné en fonction, encore une fois, de ce qu'on met derrière la notion d'ordre public, qui est pas mal défini par la jurisprudence, mais qui, en fonction de chaque cas, peut avoir un contour un peu différent. Une appréciation, bien sûr, qui peut être différente d'une municipalité à l'autre. Ah bah aussi, il peut y avoir un contexte. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que on c'est un important. On a un petit peu l'histoire de Don Camillo et Pépone. Oui, aussi. Ah bah oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi d'accord, ce genre l'Italie est différente de la France, parce que ce n'est pas une république laïque. Alors l'Italie, je ne sais pas quel est le statut actuel. Je ne te cache pas que je ne non, sais y a pas. Pas. La mention de laïcité n'est pas, à ma connaissance, oui. mentionnée dans les constitutions, dans les chartes de l'Italie. De l'Italie. Je sais que les États-Unis, bah, ça tout le monde a vu les présidents de la République prêter serment sur la Bible. Ah hein. Bah oui, donc, c'est une tradition. C'est une tradition, mais voilà, après l'Italie, j'avoue, je ne sais pas. La France était quand même un îlot de laïcité parmi beaucoup d'États qui sont religieux. Je ne vais pas parler des républiques islamiques à travers le monde, elles sont nombreuses, malheureusement, on pourrait dire. Ouais, et là, la liberté religieuse est bien encadrée dans une religion. Mais on peut penser aussi que un pays comme la Turquie actuellement, qui a un principe depuis Atatürk de laïcité, aujourd'hui a plus ou moins ce principe de laïcité plus ou moins battu en brèche. Mm-hmm. Hein, on va voir les échos qu'on peut avoir actuellement de la Turquie. Mais c'est pour ça, je crois que le combat pour la laïcité, c'est un combat quand même de tous les jours, de tous les instants, parce que les dérives sont parfois insidieuses et il faut être vigilant. Je pense que si on veut vraiment être citoyen de la République française, puisque c'est le cas, il faut quand même faire respecter le principe de la laïcité. Ben c'est important, hein, c'est un principe constitutionnel. Ça éviterait d'ailleurs des... C'est un principe de tolérance, mais un principe de tolérance qui, bien sûr, ne peut pas susciter des tensions. Hein, ou alors, véritablement, c'est qu'il y a des groupes religieux, par exemple, qui veulent vraiment susciter ce type de tension. Mais je crois qu'on a tous les moyens juridiques. Souvent, c'est la politique, les médias qui amplifient un petit peu le phénomène. Je crois que juridiquement, on a les moyens. On a l'arsenal pour dire que la France est laïque et on peut respecter. Il n'y a pas besoin de rajouter la loi. Non, il faut juste l'appliquer. Il faut l'appliquer en étant prudent, bien sûr, parce qu'encore une fois, les circonstances sont toujours différentes, en appréciant le contexte, en appréciant les circonstances de l'espèce, mais je pense qu'on a ce qu'il faut. Et aujourd'hui, la laïcité, si elle est battue en brèche, il faut être vigilant pour justement rétablir ce principe qui est quand même un principe, encore une fois, constitutionnel, et puis un principe qui est fondamental. Et puis qui facilite le vivre ensemble. Bien sûr, bien sûr. Hein, l'intégration, le vivre ensemble. Le respect des uns et des autres. Mais quid de cette histoire récente, là, de... qui a fait la une de la presse, là, d'une dame qui accompagnait des voyages scolaires. Alors apparemment même les parents d'élèves FCPE, qui sont pourtant réputés pour être laïcs, ont dit que l'élu en question avait quand même été un peu trop loin, parce que finalement c'est les enseignants qui avaient demandé à cette parent d'élève d'accompagner les jeunes. Hein. Alors après, il faut se méfier. Est-ce qu'il y avait provocation ou pas ? Voilà, le problème, c'est que il n'y avait pas approché. C'était une mère de famille qui accompagnait un groupe d'enfants qui était au conseil régional, hein, je crois. Donc, elle était dans l'assemblée. Donc, c'est vrai que là, elle ne concourait pas à un service public pour le coup, puisqu'elle était accompagnatrice. Ce qui fait que ça a été perçu comme étant une provocation. Après, voilà, juridiquement. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas matière à faire en sorte. Bon, après, on verra parce que je crois qu'elle a saisi la justice. Je n'ai pas trop suivi la suite. Mais après, c'est sûr qu'on sent bien... Aussi le contexte. On sent bien que dans le contexte actuel de la France, tout est tendu. Donc il faut faire attention aussi, pas d'amalgame, entre la politique, entre le juridique, entre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et là, moi, je m'en remets aux institutions judiciaires, puisque je pense que là, il n'y avait pas d'infraction. L'élu l'a pris comme une provocation. Après, voilà. Mais je pense que c'est révélateur, non pas d'un problème juridique... C'était peut-être pour son business politique. politique. Ça je ne pourrais pas dire. C'est lui-même qui a provoqué apparemment l'incident, puisque de toute façon, ça ne posait pas de problème ni aux enseignants, ni au milieu scolaire. Non, mais je pense qu'il ne faut pas banaliser la réaction de l'élu, parce que je pense que c'est aussi, ça reflète l'état de tension de la société aussi aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas, tout mélanger. C'est quand même alimenté par certains partis politiques et puis par les médias, quoi, pour se valoriser. Par les médias et puis aussi par certains groupuscules qui ont tendance à vouloir aussi revendiquer. Donc après, j'en dirai pas plus, mais je pense qu'il faut quand même ne pas sous-estimer qu'en France, aujourd'hui, le principe de laïcité ne doit pas reculer, ne doit pas être battu en brèche. Il faut être vigilant, voilà. Mais dans le respect du droit. Dans le respect du droit, puis dans le respect des convictions de chacun, avec une certaine tolérance qui par contre, dans l'espace public, c'est vrai que se voiler le visage, ça ne peut pas être admissible, par exemple. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on Après le foulard, il y a toutes les nuances possibles et imaginables. Il y a même, si on parcourt certains magasins d'Épinal, une mode du... Oui, peut-être. Du foulard. Mais est-ce que c'est pas de la provocation, alors, du coup ? Il faut faire attention à ça. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que finalement c'est aussi par derrière c'est compliqué. Il faudrait qu'on poursuive le débat avec certaines personnes qui sont par exemple qui soient pas, d'autres qui se voilent partiellement. Hein. Je pense pas ici sur le secteur, il n'y a pas véritablement de dames qui vont adopter vraiment le niqab ou autre tenue qui véritablement masque le visage. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai 49 ans, j'étais dans une école laïque tout au long de mes études. On ne se posait pas la question. Ben non. On avait des copains, des copines de confessions différentes, de religions différentes, mais on n'en parlait même pas. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles primaires ou les collèges, mais j'ai l'impression que le phénomène médiatique, l'amplification et puis tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau social et sociétal, tout ça fait qu'aujourd'hui, on stigmatise. Ça provoque des antagonismes, mais je pense aussi qu'il y a eu quand même une certaine période où il y a des prédicateurs qui venaient du Golfe, hein, qui venaient d'Arabie Saoudite ou autre, hein, certains imams qui étaient vraiment, qui poussaient les filles à adopter. Adopter le voile intégral. Mais ces gens-là sont dangereux. Pour moi, ce sont des extrémistes. Ces gens-là sont extrêmement dangereux, parce qu'on ne va pas transposer une civilisation antique, hein, ou nomade où la femme devait être protégée, à une intégration dans une société comme la nôtre. Ça paraît complètement fou, quoi. Mm-hmm. Hein, ça paraît complètement fou, mais il y a quand même des intégristes d'islam qui ont fait beaucoup de tort et qui ont ravagé qui ont emporté des convictions religieuses chez des jeunes. Hein. Moi, on a fait parler quelquefois des imams qui disaient, de toute façon, si la fille est propre sur elle, je ne vois vraiment pas pourquoi qu'elle porterait un voile. Mm-hmm. Hein, mais malheureusement, il y a quand même des intégristes religieux qui sévissent, y compris dans notre pays. Oui, et puis il y a tendance aussi à faire du fait religieux une obligation. En fait, aujourd'hui, on peut être effectivement de toute confession, on peut être athée aussi. On n'en parle pas beaucoup des personnes athées, mais c'est un droit aussi, et c'est aussi la liberté de conscience de dire qu'on peut être athée. Ça peut heurter, les signes religieux peuvent heurter bien les sûr, personnes bien qui sûr, sont athées. Bien sûr, ouais, hein, qui sont, oui. C'est pour ça qu'il faut respecter toutes les convictions, y compris celle de ne pas en avoir au niveau religieux. C'est aussi un élément important, je pense. Bien sûr. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Hein, toujours. Alors, le choix de notre partenaire, Nancy. J'ai choisi Alain Souchon, déjà parce qu'il fait la une de l'actualité, puisqu'il sort un nouvel album. Et puis, il a fait donc. Alors, le titre, c'est Et si en plus il n'y a personne, je crois, le titre exact. C'est un texte qui résonne, parce que là encore, on parlait de l'athéisme. Je trouve qu'il dépeint parfaitement, en déplorant les guerres de religion, en déplorant ces clivages et cette stigmatisation des différentes confessions, en disant Et en plus, il n'y a personne, quoi. Enfin, tout est dit. Je vais pas paraphraser parce que Souchon l'a dit beaucoup mieux que moi. En tout cas. « Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus ding qui résonne. Et si en plus ding n'y a personne, et l'angélus. C'est reparti donc avec Nancy, hein, Nancy, docteur en droit, avocate au barreau d'Épinal, qui est notre partenaire pour un magazine juridique mensuel. Alors on était en train de, on va en parler tout de suite, hein, pour le mois prochain, c'est-à-dire pour le mois de janvier, deuxième mardi de janvier. Oui. Oui, donc on aurait pour thème le Conseil de Prud'homme, ses évolutions, etc. Voilà. Voilà, ce sera un vaste débat aussi. On essaiera d'inviter des conseillers prud'homaux, des ex-conseillers prud'homaux qui ont pu prendre un peu de recul. On parlera de l'évolution. Par rapport à l'évolution de la législation, ouais, en matière prud'homale. Parfait. Oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Et puis, il y a eu encore des débats cet été sur l'application ou non des barèmes Macron. On a pas mal de choses à expliquer sur le contentieux prud'homal. Ouais. Avant de revenir sur le concept de laïcité, je voudrais quand même décrire ce qui s'est passé hier à Épinal, hein, parce que je faisais partie de la manifestation. Puis en même temps, j'étais surtout C'était surtout mon job, j'allais dire, d'animateur de radio bénévole. Hein, je prenais du sang, etc. Et on s'est fait gazer par les forces de l'ordre, là, arrivé au carrefour de la rue des Minimes. Alors, que s'est-il passé? Alors, apparemment, parce qu'on a vu quelques jeunes qui... Jeunes, moins jeunes, enfin, c'était des personnes qui étaient cagoulées, qui faisaient un peu le singe dans la rue des Minimes. Et les forces de police ont en profité pour arroser tout le monde. Hein. Alors, dans la manifestation, qui était une manifestation tout à fait pacifique, encadrée, on s'est fait gazer comme des malades. Ouais. Comme des malades, à tel point que moi-même, j'ai toussé pendant un quart d'heure. J'avais les yeux qui brûlaient. D'ailleurs, ils brûlent encore aujourd'hui, hein, parce que je n'ai rien appliqué dessus. Et c'est quand même déplorable qu'une manifestation pacifique comme ça soit arrosée sans discernement par des gaz lacrymogènes. Quoi. C'est fait vraiment partie d'une répression qui est inestimable. Sinon provoqué, hein, parce que c'est vrai que... Mais de toute façon, il y a une violence... Alors, il y a une violence de l'État qui est incroyable. L'État ne veut pas l'entendre. Enfin, j'entendais en venant que si, apparemment, certains ministres ont dit que la colère des Français a été entendue. Je demande qu'à voir. Simplement, je vois que ça fait plusieurs années maintenant, y compris depuis un an avec les Gilets jaunes qui ont finalement ouvert la voie et qui ont eu le courage de protester. Mais aujourd'hui, on a un État... J'avais dit que je ne ferais pas de politique, mais du coup, tu me force à en faire. Aujourd'hui, on a fait une émission quand même sur ce c'est thème. Une émission juridique, mais voilà. Mais aujourd'hui, je crois que l'État, il faut vraiment qu'il comprenne que la France est dans la rue, la France est vraiment souffre, il y a une violence. Et si aujourd'hui, il n'écoute pas, on va droit dans le mur. Parce que c'est toute la population. C'est pas uniquement des castes ou des personnes qui seraient ciblées ou marginales, pas du tout. Là, aujourd'hui, le peuple est dans la rue. Et je crois qu'il faut vraiment, vraiment que l'État nous entende. Et surtout éviter des procédés comme celui-là, quoi, hein, dont j'ai été victime. Malheureusement, je faisais mon job pour Radio Guémozo et je me suis fait arroser par des gaz lacrymogènes. Enfin, pas à proximité, mais de toute façon, tout le monde toussait. Il y avait un groupe de gilets jaunes parmi nous. C'est à peu près au milieu de la manifestation, hein, parce qu'elle était quand même très importante. Il y avait, je ne sais pas, entre 3 000 et 5 000 personnes comme ça, vu de nez, qui étaient dans les rues d'Épinal. Hein, j'ai remonté la manifestation, je l'ai redescendu pour prendre du sang. Et là, c'était quand même déplorable qu'on puisse, y compris avec des gosses dans la manifestation, des gosses en bas âge, hein, qui tenaient la main de leurs parents, des vieillards, hein, vieillards, parce qu'il y avait quand même des personnes qui se sentaient concernées, même si elles ont plus de 80 ans. Et puis moi-même, je suis plutôt jeune non plus. Et ça fait mal, hein, ça fait mal, surtout quand on est déjà fragile de la sphère ORL, de se faire arroser par des gaz lacrymogènes. Hein. C'est clair. C'est assez horrible. Hein. Et le problème, c'est que... C'est une expérience que je ne pensais pas vivre. C'est clair. Hein, surtout un animateur de radio qui essayait quand même de faire son travail. Oui. Mais plus il y aura de dérives, plus il y aura de violence, plus les interdictions de manifester seront légitimées. C'est aussi le risque. Alors d'où viennent les... Ces Black Blocs, enfin on peut les nommer d'où comme viennent-ils? Ça, on ne sait pas d'où c'est qu'ils venaient, c'était très minoritaire, et puis apparemment de ce que j'ai pu voir, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, on pleure et on ferme les yeux, hein, de ce que j'ai pu voir, ils n'ont même pas été inquiétés par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sans s'occuper de ce qui se passait. Mmh. Alors on peut penser, est-ce que c'est des provocateurs? Est-ce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie de la... Des forces de l'ordre, on ne sait pas, mais alors vraiment, il n'appartenait certainement pas à la manifestation. Mais ça n'empêche, après, les représailles, c'est sur toute la manifestation. Ouais. Enfin, pas toute la manifestation, puisque on était à ce moment-là, je ne sais pas, ça concernait peut-être 400 ou 500 personnes. Mmh. Hein, puisque les autres, la tête de la manifestation était bien loin devant, et puis la queue était encore du côté de la gare. Mmh. Voilà, enfin, c'est une petite parenthèse, puisqu'on a fait un magazine sur la répression d'État, hein, et sur ses conséquences. Voilà. On va reprendre quand même. Oui. Tu avais encore des choses à dire sur la laïcité. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va être un petit peu juste en temps. Il y avait des arrêts sur le burkini, il y avait des arrêts sur la statue de Jean-Paul II. Il y avait pas mal de choses. Alors le burkini, en fait, c'était le feuilleton de l'année 2016 où il y a eu plusieurs arrêtés, donc de différents maires, des arrêtés municipaux, en fait, qui avaient été publiés pour interdire des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. Donc là aussi... Ce sont des arrêts qui ont renvoyé au pouvoir du maire, puisque le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut tout à fait interdire dès lors qu'il y a, là encore, une atteinte à l'ordre public. Donc on avait un trouble à l'ordre public qui était ou pas constaté. Je vais résumer parce qu'il y a plusieurs arrêts, puis on dépasse. Mais en réalité, c'est là la même chose que tout à l'heure. S'il y a trouble à l'ordre public, il y a possibilité d'interdire. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu ce qu'il faut retenir par rapport à cette grille d'analyse des juridictions. On a encore un petit moment. Hein. Ah bon ? Bon. On n'est pas arrivé. Ah ben je croyais parce que comme on dépassait. Quel autre ? On avait alors, pour dire. Je vais citer une anecdote. On était en vacances au bord de la Méditerranée et une femme était vraiment avec comment niqab, je sais pas comment qu'on l'appelle, hein, et donc son mari la berçait dans les flots comme ça, tout habillé. Ça paraît complètement anachronique. On se demandait où on était, quoi. Oui. Hein, je sais pas quoi. Ces populations. Qui sont vraiment des intégristes, n'ont pas vraiment envie de s'intégrer dans notre civilisation, quoi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce une civilisation de comme on peut trouver aux États-Unis avec certaines sectes, oui. Qui datent de 1000 ou 3000 ans, 3000 ans en arrière, quoi. Je crois que le problème, il est aussi, est-ce qu'il y a provocation ou pas ? Parce que parfois, il y a aussi une volonté d'imposer quelque chose. Il y avait la maman ou la belle-mère qui était un niqab, et puis il y avait la fille ou la belle-fille qui était un niqab, et puis, puis le mari qui lui était en maillot de bain, quoi. Il ne voyait pas d'inconvénient, et puis qui berçait sa femme dans les flots comme ça. Oui. Comme ça, hein. Mais il ne faut pas oublier peut-être aussi le contexte depuis 2015, avec les attentats en janvier de Charlie Hebdo, les attentats en novembre. Je pense qu'il y a aussi, depuis 4 ans, je crois qu'il faut quand même le signaler, il y a aussi un phénomène de société qui fait qu'il y a aussi la peur à chaque fois qu'il y ait des revendications violentes par rapport à des convictions religieuses. Donc ça fait aussi le prisme, enfin l'analyse des situations. Il faut aussi se dire qu'avant 2015, après 2015, je pense qu'il faut être honnête, on est tous des êtres humains, les juges aussi, et il y a aussi un changement de mentalité, parce qu'il y a eu quand même, des attentats. Parce que l'intégrisme religieux, qu'il soit de n'importe quelle religion, il peut conduire à des excès incroyables. À la violence et à la mort. Hein, et oui. Donc, s'il est caractérisé effectivement par ce port du voile, il est dans l'espace public, il a un réel problème. Il y a un réel problème pour que. Il n'est pas étonnant que notre société réagisse par rapport à ça. Il peut y avoir une crispation des usagers qui est légitime aussi par rapport à tout ça, compte tenu du contexte. Alors, encore une fois, toujours être prudent, en revenir aux principes juridiques, mais on peut comprendre. Évidemment, sur une plage, voir un niqab sur une plage, ça peut choquer, c'est sûr. Oui, et là on retrouve les limites de la tolérance ou non. Bon, on va bientôt se quitter. Je crois qu'il est temps. Il y a Christopher. On fait un petit coucou à Christopher et puis à Paul, son auxiliaire. Merci aujourd'hui. Merci à tous les deux, Christopher et Paul. Merci. Il me fait signe que maintenant, que notre temps commence à être dépassé. Voilà. C'est bien. Eh bien, un grand merci à Nancy. Merci à vous. À Nancy d'avoir animé, à notre partenaire d'avoir animé ce magazine juridique qui avait pour thème la laïcité, et on vous donne rendez-vous au mois de janvier avec Nancy toujours. Bonne fête de fin d'année du coup, laïque ou religieuse, mais en tout cas bonne fête de fin d'année à nos auditeurs. Voilà.